romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Duo. Une demi-heure et un peu plus ce soir pour vous parler de livres tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir, donc, une émission un peu spéciale, comme je l'avais annoncé à la dernière émission, parce que je ne suis pas tout seul. Je confie les clés de l'émission à Tiffaine, comme je fais au moins une fois par an. Cette année, ce sera deux, c'est ce qu'elle m'a dit. Et donc, ça me fait bien plaisir. Ce soir, donc, c'est Tiffaine qui vous parle de livres, d'un livre, je crois. Je n'en dis pas plus, c'est elle qui va tout vous dire. Bonsoir, Tiffaine. Je te laisse la parole. Il s'appelle Time Over, point d'interrogation, le temps des soulèvements. Il est publié aux éditions du Croquant, qui est une maison d'édition critique et indépendante. Il coûte 12 euros et fait un peu plus de 150 pages, donc c'est un petit bouquin. Il est paru juste avant le premier confinement en France, en mars 2020. Et a été écrit par un anthropologue et historien qui est prof à Paris 8 et qui s'appelle Alain Berthaud. Alain Berthaud, c'est un spécialiste des banlieues, il est aussi spécialiste de la mondialisation des émeutes. Il a été l'auteur de quelques articles pertinents sur les Gilets jaunes en 2018 et 2019 et a participé lui-même activement au mouvement. Dès 2012, Berthaud a parlé de la montée en puissance du phénomène de l'émeute partout dans le monde, un phénomène qui a été accéléré par le printemps arabe survenu l'année précédente. Il a publié à l'époque Le temps des émeutes. Et au milieu des années 2010, il s'est consacré au djihadisme qu'il percevait comme le phénomène montant et menaçant du moment. Mais depuis, sont survenus les Gilets jaunes fin 2018 en France. Et surtout, l'année 2018 a été suivie d'une année 2019 exceptionnelle par le nombre d'insurrections survenues dans le monde, dans une vingtaine de pays, donc rien que pour cette année 2019, et dans une quarantaine de pays concernés au total ces trois dernières années, sans compter les Pays-Bas et la Russie. Ce livre a été écrit entièrement pendant le mouvement des Gilets jaunes et il leur est dédié. Et on est donc passé du temps des émeutes, donc événements relativement inoffensifs, au temps des soulèvements généralisés qui ont commencé à ébranler les pouvoirs. Et depuis sa parution, on a constaté que l'année des soulèvements s'est prolongée en 2020, aux États-Unis bien sûr, avec l'immense révolte, avec peut-être 20 voire 25 millions de personnes contre la police et le racisme, mais aussi au Mali, en Bulgarie, en Biélorussie, au Nigeria, en Thaïlande, au Pérou, au Guatemala, au Kyrgyzstan, sans oublier les plus grandes grèves de l'histoire de l'humanité, en novembre-décembre en Inde, avec 250 millions de grévistes. Sans oublier non plus des manifestations anti-Netanyahou en Israël, sans oublier des manifestations extrêmement massives en Pologne pour défendre le droit d'avorter, sans oublier enfin une révolte féministe au Mexique contre l'impunité concernant les violences faites aux femmes. Tout ça malgré le Covid et malgré les mesures sanitaires qui l'accompagnent et qui n'ont pas vraiment réussi à stopper le phénomène. Chose importante, Alain Berthaud a un blog qui s'appelle « Anthropologie du présent ». Depuis 2007, il y recense et publie quotidiennement toutes les émeutes qui surviennent dans le monde entier. Sa méthode consiste à faire des recherches tous les matins en tapant des mots-clés sur Google News dans plusieurs langues. Des mots-clés comme « émeute » en français, « riot » en anglais, « protesta » en espagnol. Il poste tout ce qu'il trouve sur son site. Tout est classé année par année, pays par pays, avec des photos, des vidéos, des liens vers des articles de presse. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il recense absolument tous les types d'affrontements émeutiers au jour le jour, y compris les moins réjouissants. On y trouve des lynchages, des affrontements religieux, des violences xénophobes, des envahissements du Capitole, par exemple. Malgré tout, cette méthode de travail lui a permis de mesurer une accélération très nette du phénomène de l'émeute entre 2009 et 2019. En 2009, on était à environ 500 émeutes ou révoltes par an. En 2019, on est à environ 2500 émeutes et révoltes par an. Le nom du site, c'est donc Anthropologie du présent. Son adresse, c'est berthaudalain.com. Pour en revenir au livre, Le temps des soulèvements, un de ses grands intérêts, c'est qu'il traite d'un sujet très largement occulté dans les médias mainstream. On peut même parler d'un silence très curieux et d'une étonnante déformation des faits. Silence très curieux parce que, où qu'elles surviennent, les révoltes sont très largement sous-traitées par les médias de masse. À quelques exceptions près, bien sûr. Les exceptions, ce sont les révoltes contre des pouvoirs qui évoquent les odieux communistes mangeurs d'enfants. Peu importe que ces régimes n'aient plus rien à voir avec le communisme d'ailleurs. Les médias aiment bien parler, par exemple, de la répression chinoise à Hong Kong, de la révolte biélorusse, de la révolte contre Poutine, et bien sûr du mécontentement au Venezuela. À côté de ça, il y a des soulèvements incroyables et inédits dont les gens n'ont jamais entendu parler. On en apprendra davantage sur les médias russes, type RT, Sputnik News, mais évidemment, il ne faut pas se leurrer sur leurs arrière-pensées politiques. Si on veut accéder à une information qui est contrôlée ni par les milliardaires, ni par les États, on peut aller sur certains sites militants, comme le site français Lundi Matin, le site associé au NPA Antica.org, le site révolutionpermanente.fr, le site américain crimethink.com, think avec un C, qui propose quelques articles en français d'ailleurs, et ou encore le site protest.media, qui propose lui surtout des photos et des vidéos. Alors au-delà de ce silence médiatique, on peut aussi parler d'une étonnante déformation des faits, d'abord parce que les chiffres sont parfois sous-estimés, sont bien souvent sous-estimés. En fait, les Gilets jaunes en sont familiers. Ils avaient mis au point le nombre jaune pour contrer le chiffrage fantaisiste du ministère de l'Intérieur. Déformation également à propos de la nature des manifestations. Celles contre le couvre-feu et le confinement en Europe ont été, par exemple, immédiatement associées à l'extrême droite. C'est le cas, par exemple, dans les grands médias français à propos des Néerlandais ces derniers jours. En Russie, autre exemple, samedi 23 janvier, les manifestations ont été massivement qualifiées de manifestations pro-Navalny. Le Monde, RFI, Le Point, France 24, etc. titraient « Manifestations pro-Navalny ». Le Guardian a lui aussi titré « Navalny protest ». Je n'ai pas vérifié pour le New York Times, mais j'imagine que ça a été la même chose. D'ailleurs, la proximité du personnage de Navalny avec l'extrême droite qui est, elle, est bien réelle, cette fois, son nationalisme, sa xénophobie, sont fort curieusement très peu relevés dans ses articles. Comme il est le candidat défendu par les régimes occidentaux, ça ferait un peu désordre. Le site Lundi Matin lui retranscrit un témoignage d'anarchistes russes qui étaient présents dans les mêmes manifs et qui montre que la façon de présenter les choses dans la presse semble caricaturale. Je vais citer ce témoignage. « À première vue, ces manifestations pourraient simplement être assimilées à n'importe quelle autre manifestation organisée par l'opposition politique. Mais sur le terrain, nous avons l'impression que quelque chose a réellement basculé. L'attitude passive habituelle qui est typiquement celle de ce genre de manif a été abandonnée. Les gens rendent coup pour coup à la police. » De même, ces rassemblements n'étaient pas composés des mêmes personnes politiquement actives de la classe supérieure. Dans la ville de Chita, les flics ont été mis en déroute. À Perm, la foule a applaudi après que des anarchistes ont pris la parole pour parler de rébellion, d'autonomie et de solidarité contre la répression. À Irkoutsk, la manif a elle aussi chaleureusement accueilli les anarchistes et leur prise de parole. Ailleurs, des personnes ont fait barrage à des camions de police, tandis qu'à un autre endroit, elles désarrêtaient des manifestants et des manifestantes. L'intérêt croissant pour les idées anarchistes est certainement plaisant. Mais il y avait surtout un potentiel anarchique, encore plus excitant dans la révolte qui a éclaté aujourd'hui, aussi modeste soit-il. » Fin de citation. Les manifestations sont donc peut-être davantage anti-Poutine que pro-Navalny. Pour en revenir au livre de Berthaud, son sujet est incontournable, surtout en ce moment. Regarder ce qui se passe dans les autres pays permet de comprendre ce qui se passe en France. Quand on regarde de près les soulèvements français, chiliens, hongkongais, libanais, nicaraguayens, on se rend compte qu'on assiste au même phénomène. Malgré la diversité des contextes, les points communs entre tous ces mouvements sont très frappants. Ce qui est logique parce que leurs causes sont communes. Le géographe Phil Anil a ainsi parlé de la présence de gilets jaunes à Seattle dans le mouvement Black Lives Matter. Regarder ce qui se passe ailleurs permet aussi de s'inspirer de formes d'auto-organisation contre la répression. Les émeutiers des différents pays ont beaucoup à apprendre les uns des autres, par exemple sur les tactiques manifestantes. Ça permet d'anticiper toutes les manœuvres contre-révolutionnaires du pouvoir. Répression, propagande, manœuvres pour diviser les gens et de les combattre plus efficacement. Et puis regarder ce qui se passe dans les autres pays donne surtout beaucoup d'espoir. On a le sentiment que la brèche se creuse enfin dans ce présent qui semble sans issue. En 200 metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los pacos. Casi lo más, casi lo más, casi lo más, casi, casi, casi lo más, casi lo más, casi lo más, casi, casi, casi. Quema, despierta, renuncia, Piñera, cola, Alameda, no está la moneda, cuchara. hora del palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, le escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Y por la salud, ni la razón ni la fuerza, no más era clavitud. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena es que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es... Como se dice, lo más importante es la cabeza fría, mi cabeza fría y cabeza muy, muy, muy fría, mi cabeza fría y cabeza fría, muy grave, mi cabeza fría y cabeza fría. Un petit problème technique une fois de plus. Un de plus ce soir, c'est la fête. Je te relaisse la parole. On a été obligé de couper la musique. Désolé pour Anna Tijou et son morceau. Je te relaisse la parole. Merci. En fait, je vous parlais du livre d'Alain Berthaud, Time Over, point d'interrogation, le temps des soulèvements, qui est paru en mars 2020. Alors, ce livre propose des analyses pertinentes sur la situation mondiale actuelle. Il rappelle d'abord, chiffre à l'appui, la catastrophe en cours. Et il dit, fort justement, que le désastre de l'humanité ne se divise pas en catégories séparées. Pour reprendre les termes qu'il utilise, l'explosion de la pauvreté et des inégalités, la destruction de la planète, la folie égocentrée des pouvoirs et des finances, l'extrême brutalité des relations sociales, la désagrégation des États, la robotisation du travail et bientôt de toute la vie sociale ne sont qu'un seul et même phénomène, le capitalisme de la destruction. Un capitalisme qui, en plus de reposer sur l'exploitation du travail, est aussi devenu rentier et prédateur. Il gouverne désormais par les data centers, par le fichage généralisé et le calcul des données, et a aujourd'hui pour but l'exploitation des affects, de la pensée et des rêves. L'auteur rappelle que Big Brother est d'abord un marchand. Toute cette catastrophe explique l'explosion croissante de rage populaire depuis 10 ans et dans le monde entier. Berthaud montre que face à cette contestation, la guerre est devenue un mode de gouvernement. En dehors des conflits en Palestine, au Mali, en Centrafrique, en Syrie, en Irak, où les victimes sont très majoritairement des civils, la monstruosité de Daesh, elle, n'est qu'un miroir grossissant des logiques de l'état de guerre occidental où l'ennemi est intérieur. Et même dans les pays dits démocratiques, même dans les pays dits en paix, il y a une guerre civile larvée de l'État contre la population. Les États créent des divisions religieuses et culturelles en organisant la persécution, voire les massacres contre des minorités, qu'ils soient musulmans, roms ou encore ivoiriens du Nord en Côte d'Ivoire. Les États utilisent des milices populaires pour les seconder dans la répression. Et pas seulement en Afrique ou en Amérique latine, mais si on pense au soulèvement états-unien en juillet dernier, une partie de la population a aidé activement la police à lutter contre les pillages pour défendre la propriété privée. En France, depuis 2010, on a tout un tas de mesures qui se sont ajoutées les unes aux autres dans le sens de la répression. On a d'abord eu le délit d'intention qui a été créé avec la fameuse participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou violences. Rémi Fraisse qui a été tué en 2014 événement décisif parce que c'est le premier manifestant tué depuis Malik Houssekine en 1986. Puis en 2015, après les attentats, on a mis en place l'état d'urgence, dont les principes sont par la suite entrés dans la Constitution. Puis la loi anti-casseurs en 2019. Depuis 2020, l'état d'urgence sanitaire qui se prolonge aujourd'hui. Au programme pour 2021, en plus, la loi sécurité globale et le fichage des gens selon leurs opinions politiques. Comme disait Foucault, la politique est bien la guerre poursuivie par d'autres moyens. Ainsi, partout, la répression est quasiment la seule réponse donnée à la population, ce qui montre d'ailleurs la faiblesse des dirigeants. Dans Maintenant, publié en 2017, le comité invisible écrit « Moins les autorités inspirent de respect, plus elles cherchent à nous tenir en respect par la force. Le maintien de l'ordre est l'activité principale d'un ordre déjà failli. » Berthaud montre que plus aucun État n'est aujourd'hui en mesure de répondre autrement que par la force aux demandes de la population. Et ce qui varie cependant, c'est la gravité de la répression. Parce qu'en France, on a eu 262 blessés graves et une personne tuée lors des Gilets jaunes. Mais il y a quand même eu 120 morts en Ukraine en 2013-2014, 400 morts au Nicaragua en 2018, plus de 600 morts en Irak et plus de 100 morts en Équateur, sans oublier les dizaines de tués par balle au Chili en 2019. Face à cette guerre larvée entre de l'État contre la population, Alain Berthaud rappelle que la non-violence ne peut pas être une solution. Ça a été montré aussi par Peter Jederlos, qui a écrit à ce sujet « La non-violence protège l'État ». Il montre à Alain Berthaud qu'il ne faut rien attendre des dirigeants, tenter naïvement de convaincre ou d'alerter les puissants est vain parce que la catastrophe n'est pas une conséquence de leur ignorance, c'est une conséquence de leur existence. Saint-Just ne disait-il pas « Un peuple n'a qu'un seul ennemi, son gouvernement ». Alain Berthaud réfute Slavoj Žižek qui croit que le capitalisme va s'effondrer de lui-même. Berthaud pense qu'il survivra à l'effondrement. Il rappelle que le spectacle institutionnel est voué à l'échec. Même les partis dits de gauche radicale oublient les enjeux sociaux car ils sont obsédés par la victoire aux élections. Ainsi, en Grèce, Syriza a trahi la population en 2015, comme les sandinistes au Nicaragua, comme les chavistes au Venezuela, comme le Parti des travailleurs au Brésil et même comme Evo Morales en Bolivie. Aucun de ces dirigeants n'a pu faire de transformation structurelle. Ils n'ont pu procéder qu'à un partage social de la rente. Et lorsque cette rente s'est mise à diminuer, ils se sont retrouvés dépassés. Ils ont dû pratiquer, du coup, le clientélisme, la corruption, la répression. En France, il faut rappeler que les syndicats, de la CFDT à la CGT en passant par FO, tous en cœur, n'ont pas pu s'empêcher de dénoncer les violences commises par les manifestants au plus fort du mouvement des Gilets jaunes. Comment appellerions-nous des gens qui ont détruit la Bastille en 1789, des casseurs ? De plus, la volonté affichée de la France insoumise de dissoudre l'Assemblée au plus fort du soulèvement était totalement déconnectée des vœux des Gilets jaunes, qui, eux, avaient des vœux de démocratie directe. Et c'est donc pas très surprenant que la jonction ne soit pas faite entre les deux. Berthaud rappelle aussi fort justement, que la collapsologie non seulement n'est pas la solution, mais qu'elle est même complice du système, et qu'en agitant l'épouvantail d'une probable catastrophe à venir, elle nie du coup que la catastrophe est déjà présente, et que ce n'est donc pas un hasard, peut-être, si elle séduit avant tout des membres des classes moyennes et supérieures. Alain Berthaud montre que la puissance populaire est la seule solution possible. Il écrit « Soulèvement, résistance, désobéissance sont les nouveaux lieux du commun et de l'avenir à construire. » Il montre bien que l'émeute n'est qu'une réponse à une violence de l'État et du système économique qui est bien plus grande. L'historien François Cusset a écrit « Le déchaînement du monde » à ce sujet. L'émeute est devenue le seul moyen d'expression possible. Elle répond à la question « Que faire face à un gouvernement qui ne négocie pas ?» Son essor marque la fin du schéma traditionnel des conflits sociaux institutionnalisés après 1945. Le schéma désaccord, mobilisation syndicale avec revendication, négociation. Elle est caractéristique de l'époque d'après la chute du mur et, selon Berthaud, le reflet d'une impasse. Les partis communistes proposaient un programme et un avenir concret aux gens. Leur disparition a entraîné, selon lui, la mort de l'idée de révolution, car celle-ci était associée à l'idée de progrès. L'émeute contemporaine est défensive, elle ne propose pas vraiment d'alternative, mais c'était déjà après tout le cas lors des insurrections populaires de 1789 et des premières révoltes ouvrières. Pour autant, il ne faut pas réduire l'émeute d'aujourd'hui à du dégagisme, elle a une stratégie qui est « Soyons ingouvernables ». Elle affiche la volonté de ne plus jouer le jeu des élections. Elle a une stratégie aussi de dévoilement de la violence sociale subie, de dévoilement de la nature du pouvoir. Pour compléter cette lecture d'Alain Berthaud, je recommande vraiment la lecture des trois livres du Comité Invisible, « L'insurrection qui vient », « À nos amis » et « Maintenant ». C'est vraiment incontournable. Ils offrent vraiment une analyse approfondie, très lucide, et même, comme souvent dans les avant-gardes en France, prémonitoire. Alain Berthaud rappelle aussi que si l'émeute ne se généralise pas en soulèvement massif, elle est très majoritairement perdante. J'aurais juste quelques toutes petites réserves sur son livre. Déjà, je le trouve un peu court. Étant donné qu'il est, du moins à ma connaissance, le seul livre qui recense les soulèvements récents, la plupart des révoltes sont évoquées de manière plutôt succincte. Du coup, ça laisse parfois un peu sur sa faim. À un moment, Berthaud aussi écrit « Les femmes, les minorités sexuelles, les peuples colonisés, racisés n'ont été que des variables d'ajustement de la lutte principale. » Autrement dit, il dit « On aurait oublié ces luttes au profit de la lutte des classes. » Ça, c'était sans doute vrai jusqu'aux années 70, mais depuis, il s'est en réalité surtout passé l'inverse. On a oublié la lutte des classes, du moins du côté de ceux qui étaient censés représenter les classes populaires. Aujourd'hui, qui emploie encore le vocabulaire de la lutte des classes ? Au Parti communiste, à la CGT, à Sud, à la CNT et au Parti démocrate aux États-Unis. Justement, Emmanuel Todd, lui, a bien montré que les Gilets jaunes ont marqué le retour à la lutte des classes. Mais ces quelques remarques n'enlèvent rien à la force du propos, en fait. Le temps des soulèvements, c'est vraiment un livre très utile et important. On est de retour sur Radio Dio dans l'émission Qui ou quoi et je vous parle du livre d'Alain Berthaud, Time Over, le temps des soulèvements. Dans ce livre, Alain Berthaud, en plus de proposer des analyses pertinentes, propose une précieuse recension des révoltes et des soulèvements mondiaux des 20 dernières années. Alors la liste va être longue comme un jour de confinement. Alors d'abord, dans les années 2000, on est encore au stade des émeutes et pas encore des soulèvements. En France d'abord, les trois semaines d'émeutes qui éclatent dans les banlieues en 2005, puis en 2008, on a une vague d'émeutes contre la vie chère qui survient dans de nombreux pays du Sud suite à la crise des subprimes en Afrique, dans le sud-est de l'Asie, en Haïti. Fin 2008, en Grèce, on a eu trois semaines de révolte de la jeunesse précarisée, des étudiants puis des travailleurs suite au meurtre par la police du jeune militant anarchiste Alexis Grégoropoulos, 15 ans, le 6 décembre. En 2009, on a aussi une révolte en Iran contre la fraude électorale des gardiens de la Révolution qu'ils avaient confisquée à la Révolution communiste, comme l'a très bien montré le film Persepolis. Berthaud insiste sur le fait que le vrai début des soulèvements, c'est le printemps arabe en 2011. La révolte va partir de Tunisie. En moins de trois semaines, l'insurrection tourne en révolution et fait fuir le dictateur Ben Ali, malgré le soutien de Michel Alliomari. S'ensuit une autre révolution en Égypte qui fait démissionner le dictateur Moubarak. En Libye, les manifestations tournent en révolte armée, ce qui aboutit à la fuite puis à la mort de Kadhafi à l'automne, malgré son financement de la campagne de Sarkozy. Révolution qui a été filmée par Florent Marcy dans un documentaire absolument extraordinaire qui s'appelle Tomorrow Tripoli et que je recommande vivement. Au Yémen aussi, le mouvement tourne en révolution et vient à bout du président Ali Salah. Au Maroc, la constitution est changée. En Jordanie, c'est le gouvernement qui change. Pendant toute l'année 2011, la totalité des États arabes, sauf le Qatar, connaissent des mouvements de contestation plus ou moins importants et qui s'encouragent les uns les autres. Berthaud souligne cependant que les insurgés du printemps arabe ne tentent nulle part de prendre le pouvoir, qu'ils applaudissent même des coups d'État. Et ceux qui se retrouvent ainsi au pouvoir n'ont même pas participé au soulèvement. La traduction politique du printemps arabe semble déjà impensable. Et malgré tout, le printemps arabe installe une nouvelle figure de la puissance populaire contre l'État qui remplace celle des partis communistes du XXe siècle. La même année, donc toujours 2011, le printemps arabe est suivi en mai du mouvement des places en Espagne. Les indignés remettent en cause la démocratie représentative occidentale, mais le mouvement va vite être récupéré par le parti Podemos qui va s'enliser dans les institutions. Au Royaume-Uni, la même année également, on a une semaine d'émeutes qui se déclenche suite à la mort d'un jeune abattu par la police à Londres le 6 août 2011. Les émeutes touchent une dizaine de villes. Les affrontements contre la police s'accompagnent déjà à l'époque de saccages de commerces de quartiers aisés. Le prince Charles est pris à partie par la foule. En octobre, aux États-Unis, c'est le mouvement pacifique Occupy Wall Street qui oppose les 99% contre les 1% qui débute. Suite à cette année 2011, les révoltes ne se sont pas raréfiées, au contraire, de manière très significative. On a d'ailleurs vu se multiplier des révoltes contre les élections, c'est-à-dire le dispositif justement destiné à maintenir l'ordre social et à calmer les gens. Dispositif qui est aussi, comme le rappelle Berthaud, une violence sociale, puisqu'il dépossède les électeurs de leur parole en la déléguant aux dominants. L'auteur montre bien l'ampleur du phénomène, et par exemple, on a eu ce type de révolte dans un paquet de pays, notamment en Afrique, en Côte d'Ivoire en 2010, Sénégal en 2011, au Bangladesh en 2014, en Guinée-Conakry en 2015, en Haïti en 2016, au Honduras et au Venezuela en 2017. Outre cette contestation face aux élections, on a une nouvelle forme de lutte qui a pris son essor, la ZAD, lutte localisée contre un projet d'aménagement. L'ampleur du phénomène à travers le monde est très bien montrée dans le livre, et notamment dans les pays du Sud. Au Brésil, en Chine, où il y a eu, en 2016, plus de 500 manifestations quotidiennes, parfois violentes, contre la pollution. En Inde, où des villes se sont soulevées contre des centrales nucléaires et contre des mines. À Istanbul, où en 2013, la place Taksim s'est soulevée pour défendre un parc urbain, entraînant derrière elle toutes les villes du pays. En Algérie, une contestation d'ampleur nationale a éclaté contre les gaz de schiste en 2015 et a fini par triompher en avril 2017, malgré une répression féroce. Et ça montre bien que l'écologie n'est pas une affaire de riches qui s'émeuvent de la pollution. Ce sont les pauvres qui sont soumis au contraire à une double peine, la pauvreté et l'empoisonnement. Les ZAD sont redoutables pour le pouvoir, elles parviennent souvent à surprendre et dépasser l'État, à l'image de la victoire de Notre-Dame-des-Landes, aussi à l'image des moyens démentiels qui sont souvent déployés pour les déloger. À Notre-Dame-des-Landes, il y a eu, il me semble, 2000 gendarmes envoyés. En effet, les ZAD permettent d'inventer de nouvelles formes de vie et on y apprend la lutte de façon à la fois très accélérée et à long terme. Dans les années qui ont suivi le printemps arabe, après 2011, il y a eu de nombreuses autres révoltes sociales et politiques qui sont mentionnées dans ce livre, en Grèce, contre le plan d'austérité imposé par l'UE, contre le mandat démocratique du gouvernement de Syriza, la révolution de Maïdan en Ukraine, qui a abouti à la destitution de Viktor Yanukovych, un grand soulèvement dans les grandes villes du Brésil contre la hausse du ticket de métro, puis contre le mondial de foot, le mouvement des parapluies à Hong Kong, et aux États-Unis, des émeutes à Ferguson et Baltimore notamment, contre des crimes racistes de la police, émeutes d'une violence inédite depuis celle de Los Angeles en 1992. Suite à cela, le printemps 2016 a été, à l'échelle du monde, un moment particulièrement intense de protestation. On se souvient bien sûr de la loi travail en France, où les Black Blocs prennent la tête des cortèges aux côtés des autres manifestants. Au même moment, l'Argentine connaît une révolte similaire contre une loi travail similaire. Au même moment, les pêcheurs chiliens se battent contre la pollution et une émeute éclate à Valparaíso lors d'un discours de la présidente. Au même moment encore, au Venezuela, les pillages et émeutes se multiplient contre Maduro et contre les pénuries issues de la baisse des cours du pétrole organisée par les États-Unis. Encore au même moment, en Afrique du Sud, des gens se révoltent contre des expulsions de leur logement et encore une fois, au même moment, une mobilisation a lieu en Allemagne contre une centrale thermique. Suite à cela, quelques mois après, au Mexique, un soulèvement populaire a éclaté en janvier 2017 contre le gasolinazo, c'est-à-dire un ensemble de mesures qui font monter le prix du carburant. Et on était là 2 ans avant les Gilets jaunes. Des soulèvements ont également éclaté en Roumanie contre la corruption et en Iran contre la vie chère. On arrive enfin à l'année 2018, mais il y a encore bien des événements avant les Gilets jaunes, puisqu'il y a d'abord au printemps un soulèvement du Nicaragua contre la réforme des retraites et pour la démission d'Ortega. Une révolte massive et violente dans les villes haïtiennes contre les pénuries et la corruption et pour la démission de Jovenel Moïse. Et encore, ces révoltes-là, Berthaud en parle, mais il ne mentionne pas la nouvelle explosion sociale de la jeunesse qui touche la Tunisie début janvier à cause des pénuries d'eau et de la hausse des prix, ni la révolte qui embrasse toute la Jordanie du 31 mai au 2 juin contre la hausse des prix également, ni le soulèvement au Costa Rica qui voit 150 000 personnes prendre les rues de San José dans un pays de seulement 5 millions d'habitants contre des mesures d'austérité exigées par le FMI. À partir du 17 novembre, les Gilets jaunes déclenchent un soulèvement en France qui va culminer en décembre et janvier. Berthaud, qui a été lui-même dans les manifs, dit à leur sujet « J'ai rarement vu une foule aussi indifférente à la peur. » Il explique aussi que les Gilets jaunes ont été stigmatisés par les militants des partis et syndicats traditionnels parce qu'ils ne dénonçaient pas l'insuffisance des salaires, mais le rabotage régulier du « reste à vivre », entre guillemets, c'est-à-dire que ce qu'on gagne en plus en revenus est immédiatement absorbé par la hausse des prix. Et ce faisant, les Gilets jaunes ont été en fait plus lucides que les partis et les syndicats qui se moquaient d'eux, puisqu'ils ont démontré la logique financière du capitalisme contemporain. Ils ont bien compris qu'il ne repose plus seulement sur l'exploitation au travail, mais qu'il est un mécanisme de rente, désormais, sur tous les aspects de la vie. Ils ont été pris pour moi au un mouvement poujadiste, antifiscal, alors qu'ils étaient une révolte contre les formes nouvelles de l'exploitation globale, une révolte du peuple de gauche contre les élites de gauche. Ils ont bien fait de refuser toute intégration institutionnelle, ce qui a évité des récupérations vouées à l'échec de type Podemos ou encore, pire, le mouvement 5 étoiles. Et leur apolitisme revendiqué était en fait très politique. C'était une exigence de démocratie directe et c'est ce qui manque en fait à la gauche historique. C'est une capacité à remettre en cause le jeu institutionnel et la démocratie représentative. Alain Berthaud, dans ce livre « Le temps des soulèvements », parle bien de l'effet d'entraînement inédit qu'a eu le mouvement dans d'autres pays, en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Catalogne, aux Pays-Bas, en Serbie, en Bulgarie, en Pologne, en Allemagne, mais aussi en Israël, en Irak et jusqu'à Taïwan, des gens ont porté des gilets jaunes. Et malgré la diversité des contextes, partout, Le gilet jaune a été un symbole de surgissement des invisibles et partout, il a incarné une révolte contre la rente. Au même moment, alors qu'en Serbie et en Albanie avaient aussi lieu des soulèvements contre les régimes au pouvoir, au Soudan, une révolte éclate en décembre et devient révolution début 2019. Elle éjecte du pouvoir le président général et islamiste Omar el-Béchir en avril. C'est l'armée qui prend le pouvoir et installe un régime de transition dirigé par un conseil militaire. Et alors, la révolte de la jeunesse se poursuit, cette fois contre les militaires, qui commettent des massacres, notamment au mois de juin dans le centre de Khartoum. En même temps, éclate le Hirak en Algérie, dès février, contre le cinquième mandat du grabataire Bouteflika, puis, après sa démission, tous les vendredis, contre le système tout entier. Le 15 mars, 14 millions de personnes sont dans la rue. C'est le 22 février, il faut le peuple d'Algérie. Et le magnifico, l'enfant du soleil net, stop la dictature, révolution obligée. À part la répression, y'en a marre dégagé. Yali, yali, wali, wali, yali, yali. Le biberi de Felele. Yali, yali, wali, wali, yali, yali. Il le rati de Nawe. غاشي خلي نغني ونمشي الفاني صقور هاشي نغني الحراك ونمشي avec passion نغني لالجيري ما ماك دي ريفولوسيون يالي يالي والي والي يالي يالي نبي بريد ثلالي يالي يالي والي والي يالي يالي اللي غاتي دناوي On marchera mieux, on dessinera des sourires, des rêves plein les yeux. A vous ce que vous, on fera des merveilles. Je dis à chez nous, raf les enfants du soleil. El magnifico. Je dis, je dis. De retour sur Radio Dio dans l'émission Qui ou quoi. Je parle du livre d'Alain Berthaud, Le temps des soulèvements, et de la suite de la longue liste de soulèvements qui a eu lieu alors, au printemps 2019. Au printemps 2019, pendant les Gilets jaunes, pendant le Irak, pendant la révolution soudanienne, a lieu au Honduras un soulèvement de plusieurs mois qui éclate d'abord contre les privatisations de la santé et de l'éducation, puis pour exiger la démission du narco-dictateur au pouvoir. Puis les Hongkongais se soulèvent à leur tour. En juin, 2 millions de personnes, soit 30% de la population, manifestent contre la loi d'extradition chinoise. Une fois que celle-ci est retirée, le mouvement continue contre la répression et pour le suffrage universel. les tactiques émeutières des Hongkongais vont inspirer de nombreuses populations du monde. À l'automne 2019, tandis que l'Algérie et Hong Kong continuent de s'embraser, survient une multiplication inouïe des soulèvements en quelques semaines. Soulèvements en Indonésie contre la révision des lois anticorruption. Des centaines de milliers de personnes prennent les rues. Des commissariats et des voitures de luxe sont incendiés. Soulèvements en Catalogne. Suite à la condamnation de 9 militants indépendantistes et anarchistes, le centre-ville de Barcelone est en flammes pendant 3 jours. Le 18 octobre, 500 000 personnes manifestent rien qu'à Barcelone. On va aussi trouver des drapeaux catalans dans les manifs hongkongaises en signe de solidarité. Soulèvement en Équateur contre des mesures d'austérité promues par le FMI. Des Indiens de toutes les campagnes débarquent à Quito et font fuir le gouvernement. Soulèvement en Irak suite au limogeage d'un général qui avait mené la répression contre Daesh en lien avec l'exécution du chef des gardiens de la révolution iranienne. Insurrection qui aboutit à la démission du Premier ministre. Soulèvement en Guinée contre la volonté du dictateur Alpha Condé de trafiquer la constitution pour briguer un troisième mandat. 10% de la population descend dans les rues de tout le pays. Soulèvement majeur au Liban, suite à l'annonce de taxes sur les appels en ligne, notamment sur WhatsApp. C'est une révolution contre le sectarisme au pouvoir qui éclate. Pour la première fois, chrétiens, sunnites, chiites et druzes s'unissent dans les rues et les femmes participent massivement. Le lendemain, 18 octobre 2019, soulèvement majeur au Chili, suite à l'annonce de l'augmentation du ticket de métro. Un processus révolutionnaire est toujours en cours aujourd'hui. Des pillages, des blocages, des sabotages sont accompagnés de manifestations monstres. Ils étaient 1 million à Santiago le 25 octobre 2019. Le ministre de la Défense, chilien, a assumé prendre exemple sur Macron pour réprimer la population. Soulèvement en Bolivie contre le président paysan Cocalero Evo Morales, qui entraîne un coup d'État, puis soulèvement de paysans et de mineurs, les Ponchos Rojos, contre la droite arrivée au pouvoir. Nouveau soulèvement en Haïti, où les blocages paralysent totalement le pays pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse. Nouveau soulèvement en Iran contre la vie chère et la hausse du prix de l'essence. 117 villes sont touchées. Des banques, des postes de police et de milices, des centaines de véhicules de police, des dizaines d'immeubles, de centres commerciaux, de stations-service et 9 écoles religieuses sont attaquées et brûlées. En Inde, en décembre, la loi sur la nationalité du gouvernement nationaliste et hindou de Modi, qui s'attaque aux musulmans, entraîne des manifestations d'Indiens de toutes confessions. À cette liste énumérée par Berthaud, on pourrait même ajouter la révolte qui a fait démissionner le gouverneur sexiste et homophobe de Porto Rico en juillet, ainsi que le soulèvement le plus important de l'histoire de la Colombie, qui a démarré le 21 novembre contre un ensemble de réformes d'austérité. Alors depuis la parution de ce livre, en mars 2020, malgré le contexte sanitaire, d'autres soulèvements ont éclaté, bien sûr, aux États-Unis. Le soulèvement historique contre la police et contre le racisme, suite au meurtre de George Floyd, fin mai, début juin 2020. Après Minneapolis, où les émeutiers réussissent à faire fuir les flics du 3e commissariat où étaient en poste les policiers criminels, toutes les grandes villes du pays se sont embrasées dans les jours qui ont suivi. Outre la police, les quartiers et boutiques de luxe étaient visés. Entre 15 et 26 millions de personnes manifestent le 6 juin derrière Black Lives Matter. Dans les jours et les semaines qui suivent, le mouvement de révolte contre les violences policières et le racisme se diffuse dans de nombreux pays, dont la France. Le mois suivant, au Mali, un grand soulèvement populaire éclate contre le président surnommé IBK, c'est-à-dire Ibrahim Boubacar Keïta. Il est suivi d'un coup d'état militaire le mois suivant, IBK démissionne. En Bulgarie, des manifestations éclatent cet été contre le Premier ministre Borisov et son gouvernement corrompu. 3 journées de grande insurrection populaire ont lieu en juillet, puis en septembre. En Israël, depuis juillet, des milliers de manifestants réclament chaque samedi la démission de Benjamin Netanyahou, qui ethnicise la constitution du pays. Il y a eu jusqu'à 80 000 manifestants à Tel Aviv. Le mouvement est encore en cours aujourd'hui. En Thaïlande, un grand mouvement de contestation parti de la jeunesse apparaît durant l'été contre la monarchie et les inégalités. Il est également en cours aujourd'hui. Au Mexique, une contestation féministe qui avait éclaté en 2019 contre l'impunité des violences faites aux femmes tourne en révolte violente en 2020. Suite à 4 mois d'occupation de l'Université de Mexico, la UNAM, les Encapuchadas brûlent la porte du palais fédéral de Mexico, blessent 18 policières et mettent le feu à la Banque du Mexique. En Biélorussie, un soulèvement réclamant la démission du président Loukachenko, le plus ancien président d'Europe, éclate en août. Loin d'être contrôlé par les partis et les syndicats, c'est la plus importante mobilisation depuis la fin de l'URSS. Au Nigeria, le mouvement End SARS, un peu dans la lignée de Black Lives Matter, s'est déclenché en octobre. Il veut mettre fin au SARS, un sigle SARS, qui désigne une unité de police réputée pour sa brutalité. Les manifestations initiales contre les violences policières deviennent bientôt une remise en cause du régime dans son ensemble, un peu comme au Chili, à Hong Kong, au Soudan. En Pologne, une immense mobilisation féministe s'est formée contre le projet d'interdire l'IVG. Des manifestations pacifiques extrêmement nombreuses coexistent avec des émeutes qui prennent pour cible des églises, le parti au pouvoir ou encore la télévision publique, avec des revendications qui dépassent bientôt largement la défense de l'IVG. Au Pérou, la destitution du président Vizcarra par des députés corrompus et son remplacement par Merino, donc une sorte de coup d'État, entraîne un soulèvement en novembre qui provoque la démission de nombreux ministres, puis de Merino lui-même. Il est resté au pouvoir 5 jours. Au Guatemala, la population se soulève le 21 novembre dernier, après l'annonce du budget 2021 qui prévoit la destruction des services publics. Le Parlement est incendié. En Nouvelle-Calédonie, des barrages, des blocages, des attaques de bandes armées contre les forces de l'ordre éclatent pendant plusieurs jours à Nouméa, suite à la décision de vendre une usine de nickel à un grand groupe, afin de saper les ressources économiques d'une future Nouvelle-Calédonie indépendante. En Inde, la grève la plus massive de l'histoire de l'humanité a lieu à partir des 26 et 27 novembre dernier, à l'appel de syndicats. Elle est suivie par 250 millions de personnes, soit près de 20% de la population du pays. D'abord lancée par les ouvriers, elle a été rejointe par des millions de paysans qui, fin décembre, ont convergé vers Delhi pour bloquer la ville et réclamer le retrait de lois qui sacrifient les petits agriculteurs au profit des grandes firmes. Ce week-end, des affrontements entre paysans et forces de l'ordre ont encore eu lieu à Delhi. En Argentine, des marées humaines ont permis d'obtenir la légalisation historique de l'IVG fin décembre. L'Argentine devient alors le 4e pays d'Amérique latine qui légalise l'IVG. Et en 2017, dans le même pays, d'immenses manifestations dénonçaient les réformes libérales du président alors au pouvoir qui s'appelait Macri. Il faut ajouter à cette liste de nombreuses révoltes contre les mesures sanitaires, par exemple en Allemagne, au Royaume-Uni, dans les pays d'Europe du Sud ou encore en Australie. Début 2021, les révoltes sont reparties de plus belle en Tunisie. Les élections sont contestées en Ouganda. La révolte maoïste népalaise contre la... a éclaté contre la dissolution du Parlement. Un commissariat a été attaqué à Bruxelles après le meurtre d'un jeune par la police. De nouvelles manifestations antifa ont eu lieu à Washington et d'autres contre la police à Seattle. Une nouvelle révolte a éclaté contre Poutine en Russie. Une autre a repris au Brésil contre Bolsonaro. Celle des paysans se poursuit en Inde contre Morsi. Une révolte vient d'éclater aux Pays-Bas contre le couvre-feu. Et au Liban, une révolte reprend, à la fois contre les mesures sanitaires, mais aussi surtout contre la situation économique. Ouf, c'est la fin. Mais je ne parle que de l'émission. En tout cas, difficile de croire que le temps des soulèvements puisse prendre fin prochainement. On est prêt à rendre coup pour coup. On charge en groupe et on se disperse. On prend le vieux monde de vitesse. On s'éclaire au feu de l'incendie. On respire le gaz, on fait du bruit. On disparaît comme on est venu. Jamais prié, jamais vu. Ta main semble et noire. Notre peau rouge et noire. Notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose et noire. Oui, notre sang bleu et noir. Notre drapeau rouge et noir. Notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose et noire. Et on fait blanc. Mémoire des vaincus. Pas de quartier pour reprendre la rue. On crée les réseaux de la colère. Un pour tous, tous insurrectionnaires. Et un jour les autres nous suivront. Et ce jour nous casserons les prisons. Nous bâtirons un monde nouveau. Tous libres, tous frères, tous égaux. Notre sang bleu est noir. Notre drapeau rouge est noir. Notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir. Notre drapeau rouge est noir. Notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose est noire. Voilà, c'était le dernier morceau de la sélection de Tiffen. Merci Tiffen de nous avoir parlé du temps des soulèvements. Mais avec plaisir. Donc c'est effectivement la fin de l'émission, donc je vais lancer le générique. Nous, on se retrouve qui ou quoi dans 2 semaines sur l'antenne de Radio Dio. J'aurai pas d'invité, hein, malheureusement. Ce sera sûrement une émission où je vais parler de bande dessinée et de manga. Ce sera moins insurrectionnel, on va dire. Mais bon, donc voilà, ce sera dans 2 semaines. La semaine prochaine, peut-être ici Radio Gaga. Je sais toujours pas s'ils ont repris leur émission à cause des histoires de confinement, vu que à chaque fois ils faisaient venir des groupes et ben, ils ont un peu de mal à convier tout le monde dans le studio. Donc la semaine prochaine peut-être à cette heure-ci Radio Gaga, de toute façon Ghetto Vibes juste avant, et nous donc dans 2 semaines qui ou quoi pour parler de bouquins. Merci encore Tiffen. Merci, bonne soirée, bonsoir et puis à bientôt.